Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe Paul. Bonjour Julien Vidal. À chaque fois, les gens comme ça se sentent obligés de dire mon nom de famille, je m'en excuse, mais pour moi, c'est important de situer les gens à qui je donne la parole. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens avant tout à remercier la NEF, qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat qui, moi, me permet de continuer à faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Personnes inspirantes, c'est ton cas, Jean-Philippe. Toi, tu es le rédacteur en chef adjoint de la revue Salamandre, qui est une maison d'édition sur la nature de proximité, qui publie notamment un magazine adulte dont on va parler, deux magazines jeunesse. Vous publiez aussi des livres et des DVD sur la nature. Aujourd'hui, nous échangeons à distance. Nous parlerons ensemble de notre lien avec le vivant, de la connaissance de notre milieu naturel et de l'humilité que je pense nécessaire pour que l'humanité puisse retrouver sa place et faire face aux enjeux du 21e siècle. On commence notre échange, Jean-Philippe, de la même manière que tous les autres échanges qui sont cette porte d'entrée vers les 2030 glorieuses. Je te pose la question qui est fatidique quand on rencontre des personnes pour la première fois. Qu'est-ce que tu leur réponds quand on te demande « Toi, tu fais quoi dans la vie ?» Eh bien, j'avoue que à chaque fois, je dois réfléchir un petit peu pour trouver les mots. Parce que je suis pas journaliste de formation, donc je suis autodidacte, donc j'ai toujours du mal à utiliser ce mot pourtant très connu qui permettrait d'aller très vite dans cet échange et puis on me répondrait ah bon d'accord t'es journaliste etc. Et je cherche mes mots et souvent je dis d'abord que je suis naturaliste. Alors c'était mon métier premier et c'est celui qui me sert à mon métier actuel. Alors pour certaines personnes naturaliste c'est un vieux métier du 18e siècle ou assez peu connu aujourd'hui, donc je dis que je suis naturaliste. Ensuite je dis que je suis rédacteur naturaliste, ou parfois j'ose quand même dire journaliste naturaliste, et puis je finis par faire une phrase et je dis j'écris dans une revue sur la nature, une revue franco-suisse sur la nature. Ça permet de, je trouve, en trois présentations comme tu l'as fait, d'assez bien cerner finalement ton activité, puisqu'en général j'essaye de détricoter un peu ces cases dans lesquelles on s'est mis. Malgré nous, je veux pas tomber dans le complotisme, mais je trouve que du coup notre relation au travail a fait qu'on est un peu dans ces biais là aujourd'hui de l'économie start-up. Et donc souvent je donne la parole à des personnes qui se décrivent comme fondateur, manager, directeur, mais je trouve que ça veut pas dire grand chose sur la finalité des activités qu'ils portent. Toi là tu viens de le dire, t'as cette casquette de naturaliste qui te crée cette relation au vivant qui est particulière, puisque tu as étudié de nombreuses années tous ces sujets là qui sont très denses et très complexes, et qui, en fait, j'en suis sûr et tu me le confirmeras plus tard, mériterait qu'on les étudie toutes nos vies. Et après tu dis journaliste, et là tout de suite moi en pensant à journaliste je pense aussi à cette mission de rendre compte, de témoigner, de faire connaître, de rendre accessible une information qui est parfois cachée, lointaine, méconnue. Et puis après tu le dis, tu es écrivain, et donc ça rejoint aussi du coup cette notion de passeur que là assume la Salamandre, qui est pas seulement justement un magazine ou un journal, mais en fait même un éditeur, et donc se permet aussi une information du temps long. Est-ce que ça te ça te convient, ces trois casquettes là que j'essaie d'analyser en t'écoutant? Parfaitement. Et puis je rajouterais quelque chose d'assez important, qui est l'idée de raconter des histoires aussi dans les missions de journaliste ou de rédacteur, donc oui, ou de passeur. Mais le fait de raconter une histoire naturelle ou raconter une histoire de nature, au final, c'est essentiel, parce que c'est vrai que c'est un monde très très complexe. C'est un monde dont la plupart des gens se déconnectent progressivement et parfois durablement. Donc, pour recréer ce lien, il faut raconter une histoire. Ça reste la méthode la plus efficace pour attirer l'attention et puis pour créer une connexion. Et voilà ce que je rajoute à la fin, quand on me pose la question de ce que je fais. En tout cas, la finalité, c'est quand même raconter des histoires pour reconnecter à la nature. Est-ce que finalement, c'est cette pulsion-là qui a fait que tu es passé de naturaliste à journaliste naturaliste? Toi, à chaque jour où tu te connectais plus au vivant, tu te rendais compte de la déconnexion des gens autour de toi, et donc tu as décidé de combler ce vide? Ben c'est ça, c'est un peu miraculeux. Disons que j'avais un parcours assez classique au début, avec ces termes très codés, chargé de mission, chargé d'études, dans le domaine de l'écologie professionnalisée, en association de protection de la nature. Donc faire des rapports, les transmettre à des administrations qui les lisent très rarement, et avoir du mal à évaluer à court, même à moyen terme, et même peut-être pire, à long terme, les conséquences positives de ces rapports, et finalement la petite pierre qu'on a réussi à poser soi-même dans notre parcours. J'avais vraiment du mal à me sentir efficace, et puis quand j'ai vu passer cette opportunité, alors avec un intitulé de poste assez rare aussi, qui était rédacteur naturaliste dans ces termes-là, je me suis dit, bon sang, mais ça existe, ça. Si ça existe, c'est fait pour moi. Je vais postuler. Alors, c'est le pays voisin qui offrait ça. C'est la Suisse, pays de naissance de cette revue Salamandre, mais qui est aujourd'hui vraiment établi sur deux pays, voire même trois avec la Belgique. Donc, j'ai la chance de travailler chez moi dans le Jura pour cette revue franco-suisse. Et c'était un miracle de pouvoir rejoindre en effet ces deux passions qui étaient l'envie d'écrire, de raconter des histoires de nature, et puis sans avoir fait la formation initiale théorique pour. Mais une grande chance pour faire ses preuves, et puis pour les autodidactes passionnés. Voilà. J'entends dans ce que tu disais tout à l'heure une réticence. Ou je sais pas si c'est de la timidité, il faut que tu me l'expliques, parce que en fait je la partage, et donc j'aimerais bien entendre ton point de vue à te présenter comme journaliste. Moi, de plus en plus, je me rends compte qu'en fait, à travers mes livres, mes podcasts, je suis en train de plus en plus d'assumer ce rôle de journaliste. Donc, pendant mes études, je caressais l'idée de pouvoir un jour assumer ce métier, et puis pour tout un tas de raisons, ça ne s'est pas fait, et j'ai le sentiment que j'y reviens, mais j'ai encore du mal, moi, à me présenter en tant que journaliste. Je ne le fais même jamais. Pourquoi, toi, tu as aussi cette difficulté-là? Est-ce que c'est pour une question de légitimité sur tes compétences à toi, ou est-ce que c'est parce que finalement être journaliste, c'est absolument pas assimilé à cette relation au vivant? En général, c'est vrai que les journalistes, on les imagine avec des études dans les sciences politiques ou économiques, et à analyser l'actualité en fait tout à fait humaine, et donc avec un biais presque très très anthropocentré en fait. Oui, c'est vrai que bon, la principale raison, c'est en effet, c'est l'humilité, et puis le besoin de temps pour se sentir légitime. Donc, ça me fait plaisir d'échanger là-dessus, surtout avec quelqu'un qui comprend, qui comprend parfaitement ça. Je pense que j'arrive à le dire de plus en plus, et puis dans certains contextes, parce que c'est vrai que c'est quand même un très joli métier. C'est juste la culture française de pas avoir fait telle ou telle école pour obtenir un tel diplôme précis. Me fait entretenir cette réserve, et puis mais je progresse largement sur ce chemin, et non, je je respecte vraiment beaucoup ce métier. Et dans leur relation vivante, ben, il y a quand même des journalistes spécialisés. C'est vrai que c'est souvent l'adjectif qu'on peut rajouter dans ce cas-là. Je suis journaliste spécialisé sur la nature et ben, il y a de très grands journalistes spécialisés ou passeurs de messages, que ce soit dans le paysage radiophonique anciennement ou encore actuellement télévisuel, qui ont ben, d'ailleurs qui ont bercé mes oreilles et mes yeux longtemps. Il y a de grands noms dans le journalisme lié à la nature, aux histoires naturelles et à l'environnement, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. On a parlé de la salamandre en tout début de notre échange et en fait, on n'a pas trop décrit finalement ce que vous y faites. Est-ce que toi, tu peux me faire d'abord, s'il te plaît, une présentation un peu générale de vos missions, puisqu'on parle vraiment d'une maison d'édition multifacette? Bah, qui est devenue multifacette. Alors, l'histoire, rapidement, bah, c'est une chouette histoire, en effet, de petit garçon passionné qui a fondé cette revue il y a 40 ans bientôt, à l'âge de 11 ans. C'est Julien Perrault, le fondateur. Oui, dont les vidéos en ligne sont truculentes, hein, Oui, d'ailleurs. voilà, par exemple, et ça veut dire l'éternel, voilà, la pérennité de cette passion qui transmet. Et qui a fait grandir son projet, hein. Au départ, c'était en effet la revue Salamandre, quelques pages, et puis, etc. Le chemin faisant, c'est devenu une revue renommée en Suisse romande qui a fini par passer la frontière. Et puis, toutes les façons chouettes possibles de raconter des histoires avec des images ou des textes ont été ensuite utilisées par cette énergie. Donc, en effet, des revues pour enfants, parce qu'évidemment, c'est des. Bon, le mot est pas très joli, le mot cible dans le journalisme, mais en tout cas, c'est un public très chouette à convaincre ou en tout cas à accompagner dans le Oui, respect voilà, à et l'amour de la alimenter. nature, qui est la raison d'être de la salamandre, hein, donc aimer la nature jour après jour. Et ensuite les livres, en effet, qui par chance, voilà, les gens lisent quand même encore, tout n'est pas sur écran, mais l'écran est aussi utilisé, avec des réflexions évidemment autour de l'éthique que ça implique, hein, on le sait, parce que se connecter à la nature et se connecter à un écran, ça peut paraître antinomique, donc faut gérer ces deux choses-là, avec des vidéos, des films, des DVD, une chaîne maintenant Salamandre TV de streaming. Voilà, donc élargir le plus possible l'audience avec cette mission claire de faire aimer la nature. Bon, pas seulement pour l'aimer, mais pour la respecter et puis pour se reconnecter avec et vivre avec. Ouais. De temps en temps, alors c'est vraiment très très personnel, mais mes tentatives d'intérêt pour le vivant et pour toutes les composantes de la nature ont parfois été un peu difficiles dans le sens où j'accédais à du contenu qui me donnait l'impression d'être un peu élitiste et exigeant. Et j'ai l'impression que vous, à la Salamandre, vous avez réussi à faire en sorte que votre contenu y soit autant accessible pour des personnes qui auraient vraiment l'impression de partir de zéro ou des personnes qui, là, en l'occurrence, seraient très spécialistes et amoureux de ces sujets. Est-ce que c'est voulu et comment vous arrivez à vivre, j'allais dire, comme vous le faites, ce grand écart. C'est vraiment la culture interne, je dirais, à la Salamandre, donc vraiment héritée et puis toujours transmise par Julien Perrault, le fondateur. Et moi, j'avoue que j'ai dû faire un chemin pour ça en venant de l'expertise, entre guillemets. Relier le savoir de scientifique qu'on va chercher ou d'information qu'on va fouiller à une oreille ou un regard. Novice, la première clé, c'est l'émerveillement. Donc, on se rend compte que à peu près tout est merveilleux si on creuse un peu. La moindre petite histoire naturelle sur le pas de la porte est en général un potentiel à 1 000 histoires surprenantes qui ensuite nourrissent des réflexions plus larges. Voilà, c'est l'idée de partir d'une petite histoire anodine à laquelle chacun peut avoir accès en étant curieux, en se penchant sur sa pelouse ou en regardant le papillon sur une fleur sur son balcon, etc. Partir de cet anodin aller chercher toute la science qu'il y a derrière, que nous, on ne détient pas forcément en interne, mais on va la chercher, et puis on la reformate un petit peu, on la raconte, on la met en image de la manière la plus jolie qu'on peut. Et là, c'est en général, l'idée, voilà, c'est d'attirer l'attention pour un premier contact, et on l'espère ensuite une espèce de fidélité à la nature de la part des gens qu'on a réussi à toucher. Ouais, tu commences à répondre un tout petit peu, mais j'aimerais creuser sur ce point à la question que j'avais justement sur les leviers que vous utilisiez pour donner à vos lecteurs, à vos lectrices, des clés pour reconnaître la complexité, la fragilité, mais surtout l'importance du vivant. Tu as parlé de l'émerveillement. On part quand même de loin, hein, puisque on fait partie de ce vivant, mais en fait, ces dernières décennies, on a l'impression qu'on a tout fait pour s'en détacher, pour se mettre au-dessus de ce vivant. Et c'est Aurélien Barreau qui dit qu'on, malheureusement, mène une guerre contre ce vivant et que le pire, c'est que nous sommes en train de la gagner. Donc, en plus de cet émerveillement permanent sur lequel vous insistez, comment vous faites justement pour dépasser le côté très banal de cette connexion que nous avons aujourd'hui au vivant, ou parfois même plus de connexion du tout? C'est l'idée, bah, je répète vraiment l'émerveillement, la surprise, donc des clés que pourraient utiliser, je dirais, d'autres champs du journalisme, ou même des créateurs de séries. Vraiment l'idée, c'est d'attirer l'attention, parce qu'en fait, on est tellement sollicité par mille choses. C'est un peu, c'est un gros lieu commun de dire ça, mais ça reste notre constat de base, évidemment. Il faut, donc la fuite de la nature vers autre chose, vers du, bah, ce qu'on pourrait qualifier quand même de futile, artificiel ou autre, enfin en tout cas c'est un point de vue qu'on peut avoir, de rattirer les attentions vers ce fondamental qui nous a créé finalement, au milieu duquel on vit, sur lequel on agit consciemment ou non, souvent en mal. Bon, bah, l'idée c'est de rouvrir les yeux un petit coup, puis de dire « Eh oh, ouvrez les yeux, regardez. » Et là, normalement, ce qu'on espère, c'est un « wa ». Soit « wa », c'est joli. Donc ça, on a plein de techniques, évidemment, grâce à de nombreux artistes, photographes, dessinateurs, réalisateurs de films. Donc on utilise des leviers qui sont très fréquents dans la société actuelle. Hein. La vidéo, l'émerveillement, la surprise. Ouais, on cherche aussi à utiliser ces leviers qui sont parfois surutilisés, sur lesquels on abuse, comme le buzz, mais nous, on a envie de faire buzzer buzzer la nature. Et ça, bah oui, la minute nature le fait très bien. C'est vraiment une surprise à chaque pas. Et tout le monde ne peut pas avoir accès spontanément, pour tout un tas de raisons, de l'endroit où on vit, l'éducation, avoir accès spontanément à cette surprise accessible partout. Et puis tout le monde n'y sera pas sensible forcément. Mais en tout cas, notre idée, c'est d'aller quand même faire notre part pour ouvrir les yeux. Et c'est vraiment vraiment le préalable à ce qu'on voudrait ensuite pour un monde meilleur. Ouais. Souvent, quand on parle de nature, de vivant, on pense très vite à des beaux livres, à des dessins, des coupes, des photos, des choses qui nous montrent toutes les beautés de ce vivant. J'ai l'impression que la salamandre, si vous utilisez un peu ces perches, vous poussez surtout à sortir, à aller vers, à se mettre en mouvement par des recettes de cuisine, par des DIY à faire pour réattirer le vivant au plus près de nos habitations, par des balades. Enfin, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de recréer ces connexions, mais d'activer l'élan physique, hein, aussi. C'est ça, pour moi c'est la clé. C'est comme dans plein d'autres domaines, c'est l'expérience. Offrir à chacun une expérience à laquelle il n'a pas pensé, à laquelle il se croyait vraiment incapable d'accéder. Bon, voilà, l'expérience, c'est quand même dans tout chemin, ça reste la clé. Et puis du coup, l'expérience de la nature, elle est normalement assez vite accessible, avec plein de curseurs et de degrés selon qu'on habite en plein centre-ville d'une mégalopole ou autre. Et normalement, on essaie justement d'aborder tous les cas de figure possibles pour accéder à une expérience de nature. Peut-être que le livre, la revue et l'écran, c'est le premier contact pour aller attirer l'attention. Mais ensuite, il faut inviter à pratiquer soi-même une petite expérience de nature régulièrement, quotidiennement et idéalement quotidiennement. Mais ça peut être par petits pas. Et puis, c'est pas forcément l'ours sauvage ou l'aigle inaccessible. C'est vraiment classiquement, entre guillemets, de la coccinelle du jardin au chevreuil du bois d'à côté. Ouais, pour recréer ce lien au vivant par l'expérience, j'aime bien cette idée qui, effectivement, à mon avis, est la solution la plus durable pour donner envie de recréer cet amour du vivant à construire tous les jours, comme tu le dis très bien, Jean-Philippe. On va aller en 2030 glorieuse, voir, toucher du doigt, sentir à quoi ça ressemble une société qui incarnerait cette remise au service du vivant, cette reprise de notre place parmi le vivant. Mais avant ça, on marque toujours une petite pause, une fenêtre, une bulle de respiration pendant laquelle l'invité vient avec un cadeau qui est représenté par une lecture d'un passage, parce que je suis persuadé que dans les récits tout autour de nous, dans la littérature, il y a déjà des valeurs, des portes d'entrée vers ces 2030 glorieuses, et que, en fait, ces 2030 glorieuses, au-delà de les construire, ça passe aussi par un changement de regard, ça passe aussi par le fait d'aiguiser notre capacité à les voir, à les regarder, à les sentir, à les écouter. Qu'est-ce que tu vas nous lire, toi, Jean-Philippe ? Alors, moi, j'ai longtemps hésité, et puis j'ai repensé au livre « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson, qui m'avait beaucoup parlé, parce que c'est le voyage ici, en France, ou en tout cas autour de chez soi, dans des recoins qui existent encore dans la nature, des recoins qui ne sont pas sur les cartes, et où c'est ce dont on parlait, la petite expérience toute simple de reconnexion à la nature est possible. En marche vers le nez Bayard, dans l'aube fouettée des mouettes. La mer en faisait toujours beaucoup. Sur les versants, des bunkers allemands achevaient de s'effriter dans les prairies. Nous nous assîmes contre un muret. C'était le point le plus septentrional du Cotentin. J'étais arrivé au sémaphore de la Hague. J'avais rêvé cette balade de France dans un lit. Je m'étais levé pour l'accomplir. Elle s'achevait. C'était un voyage né d'une chute. Certains chemins avaient été suffisamment labyrinthiques et solitaires pour mon goût. Y flottait encore l'odeur des aubépines et des écorces fraîches. J'avais assorti ma balade de quelques trébuchements. Mon arrivée consistait à m'approcher des parapets pour y solder mes comptes et oublier les infortunes. Désormais s'ouvraient de nouveaux chemins noirs, ceux que je devais inventer hors du 25e. Des fuites, des replis, des pas de côté, de longues absences lardées de silence et nourries de vision. Une stratégie de la rétractation. Toute longue marche a ses airs de salut. On se met en route, on avance en cherchant des perspectives dans les ronces, on évite un village. On trouve un abri pour la nuit, on se rembourse en rêve des tristesses du jour. On élit domicile dans la forêt, on s'endort bercé par les chevêches. On repart au matin, électrisé par la folie des hautes herbes. On croise des chevaux. On rencontre des paysans muets. La France rurale se maintenait dans les replis. Ailleurs, elle refluait. Une marée succédait à une autre. L'histoire avait élaboré un damier laborieux sur ce territoire. Il en subsistait des restes. Les paysans faisaient leurs adieux à un monde dont ils ne connaissaient pas le substitut. Les conversations avec ces hommes n'étaient jamais longues. Ils n'avaient pas que cela à faire. On repart dans les champs, on voit apparaître le visage de sa mère, inexplicablement, à la bifurcation d'une piste de forêt. On rejoint une jachère, on regagne les bois, on aperçoit de beaux chevets de pierre. On longe des rivières, puis les côtes. On marche sur le sable, on entend le ressac et l'on parvient au bord du pays. Alors on rentre chez soi, débarrassé de l'insecte qui vous mordait le cœur, lavé de toute peine, remis debout. On devrait toujours répondre à l'invitation des cartes, croire à leurs promesses, traverser le pays et se tenir quelques minutes au bout du territoire pour clore les mauvais chapitres. Merci Jean-Philippe pour cette lecture. C'est toujours un plaisir d'entendre la lecture d'un passage écrit par Sylvain Tesson, qui est un verbe qui est quand même particulièrement fleuri. Pourquoi toi, tu as tenu à nous faire cette lecture ? Parce que ça me parlait vraiment... Encore une fois, humblement, j'ai vécu cette expérience, c'est-à-dire passionné par les cartes avec un père prof d'histoire-géographie. Et ma relation à la nature, elle a commencé comme ça. D'abord, déplier une carte, découvrir d'abord par la carte ce qui m'environnait, ce qui environnait la maison de mon enfance, donc des forêts, des champs, des chemins, des gros, des petits, des moyens et des petits. Et justement, cette idée que la nature, elle était sûrement encore plus riche et plus préservée en passant par les petits chemins. Et puis finalement, se perdre avec des chemins qui ne sont pas sur les cartes. Et moi, j'ai adoré, à la sortie de ce livre, que cette thématique soit traitée, c'est-à-dire vraiment le voyage ici, sans avion, et pourtant les possibilités de s'y perdre, de s'y perdre soi-même, de s'y retrouver soi-même, et puis de rencontrer les ronces, le vent, les chevreuils, et finalement tout ça en entrant par une carte. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Merci encore pour cette bulle d'inspiration. Tu l'as peut-être pas senti, Jean-Philippe, mais pendant ta lecture, ça y est, nous sommes passés en 2030 glorieuse. Il y a eu une petite secousse sous toi qui t'a fait rentrer en tout cas dans le voyage le plus exotique, le plus dépaysant que tu vivras sans doute jamais, et à la fois le plus écologique, puisque c'est un voyage de l'imagination. Nous avons laissé derrière nous, une bonne fois pour toutes ces crises qui s'enchaînaient, j'ai l'impression, moi, depuis ma naissance, pour enfin entrer en 2030 glorieuse. Et 2030 glorieuse, c'est une décennie où on a réussi à dépasser le simple fait de viser une croissance économique pour viser plein d'autres croissances, mais des croissances qui, elles, sont durables, régénératrices et permettent d'assurer à l'humanité, mais pas que, à toutes les autres espèces, une vie stable, durable, épanouissante dans les prochaines décennies face à tous ces enjeux de notre siècle qui, on le sait, sont assez extraordinaires et parfois complètement terrifiants. Donc on va parler là pendant les 20 prochaines minutes au présent de ce monde des 2030 glorieuses qu'on va peupler au gré de notre imagination, au gré de notre créativité. Essayons d'être les plus précis possibles tout en étant aussi très conscients qu'on fait un jeu qui nous laisse libre de nous planter, de faire des rallongis ou des raccourcis. On verra bien, mais voilà, je pense que les personnes qui nous écoutent ne nous en tiendront pas rigueur si finalement ce qu'on essaye d'imaginer ensemble là pendant les 20 prochaines minutes n'adviendrait pas dans les 10 prochaines années. Ma première question pour toi, Jean-Philippe, c'est ça y est, on y est en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu vois, toi, tout autour de toi quand tu regardes par-delà ta fenêtre ? Alors, par la fenêtre, je vois mes voisins et je me rends compte que leur... En 10 ou 15 ans, leur environnement proche, leur jardin, parce que je suis dans un village là, a beaucoup changé. Et je les vois bien plus souvent dehors déjà. Donc là, si je regarde par la fenêtre, je vois à peu près devant chaque maison quelqu'un, affairé ou pas, mais en tout cas quelqu'un dehors. Donc au contact du vent, du soleil, les pieds sur terre. Et j'ai l'impression qu'autour d'eux, ce que je vois, c'est plus vraiment un jardin de fleurs, mais c'est un potager, voire même, j'ai l'impression de voir paysans, entre guillemets, des gens qui ont affaire dans le lopin de terre qui est autour de chez eux. Et j'ai l'impression qu'on discute de voisin à voisin, qu'on s'échange des légumes. Si je regarde par la fenêtre, j'ai l'impression de voir ça, des paniers qui s'échangent et que tout le monde est devenu un tout petit peu plus paysan. Voilà, c'est ça que je vois d'abord par la fenêtre. Quand je t'entends parler du fait qu'on soit devenu plus paysan, j'imagine que ça veut dire que notre lien au vivant, il s'est raffermi, il s'est solidifié, il s'est épaissi, il s'est complexifié. À quoi il ressemble exactement ce lien au vivant en 2030 Glorieuse ? En fait, ce qui s'est passé apparemment ces dernières années, c'est qu'on a arrêté de se poser la question, ou en tout cas si on se pose la question encore, on a fait un choix, c'est d'acter qu'on faisait partie de la nature. Et grâce à de nombreux chercheurs, philosophes, penseurs qui ont sans cesse questionné cela, est-ce qu'on est dans la nature, est-ce qu'on est hors de la nature, qui est l'humain sur la planète, là on a tranché, on est clairement créé par la nature, on en fait partie, et on a tout fait pour arrêter de la fuir ou de s'en sortir ou de s'en extraire. Et on n'est pas non plus tombé dans le paternalisme vis-à-vis de la nature en disant on va te gérer, chère nature, on va te cultiver de manière distante, mais on va s'intégrer à nouveau à toi parce que c'est de là qu'on vient, et tu nous es utile, mais on t'est utile aussi. Parce que dans les débats qui ont longtemps eu lieu, de savoir si l'homme était juste là pour faire du mal et puis que toutes les autres espèces du vivant, elles, étaient respectables et utiles, alors que nous, on était finalement très nuisibles, ben non, ça, c'était pas non plus une façon très, très viable d'avancer. Donc, on s'est remis parmi le vivant. Et ben, du coup, en effet, on utilise un peu la nature, on continue de le faire avec bien plus de sobriété qu'avant. Et puis, la nature, elle vit aussi à travers nous, c'est-à-dire que ces jardins, ces potagers, ces petites cultures autour des villes et villages, eh bien, qui nous nourrissent, elles ont leur biodiversité propre, qui n'est pas celle d'une forêt primaire, mais qui est celle qui est née autour de l'activité des humains. Ça, il ne faut pas en avoir honte. On a toujours un impact sur la nature, mais il est autrement plus intégré. C'est d'abord donc un changement de regard hein, dans ce que tu me dis. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là où on voyait la nature comme quelque chose qui nous entourait, qui nous environnait, aujourd'hui, on la regarde vraiment comme en faisant partie prenante. C'est un changement de paradigme fort hein, et c'est essentiel et permis parce qu'on a réussi à retomber amoureux du vivant. Pour le respecter, on disait que cette célébration-là, elle nous permettait de... C'était le premier pas, justement, pour faire advenir ce changement dont tu parles. Bah oui, et puis, alors, pour être honnête, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu une révélation du jour au lendemain miraculeuse, entre guillemets. C'est les crises... C'est crise sur crise, climatique... pandémie et autres dont on ne va pas faire la liste longue et pas très réjouissante. Mais en tout cas, ces crises ont permis à un moment donné de refaire connaissance avec la nature et de se dire, bon, c'est plus tellement permis de prendre l'avion tous les jours, c'est plus tellement permis de consommer. Replantons nos deux pieds dans le sol et reposons-nous les bonnes questions. Et là, on a découvert, heureusement, il restait quand même une nature résiliente qui était encore prête à répondre à cet appel à l'aide, parce que finalement, on a fini par être obligé de l'appeler à l'aide, et de réapprendre des choses qui étaient parfois très connues dans le passé, tout en bénéficiant de ce que l'homme a su faire, la technologie, la science, et de réunir ce passé et cette grande modernité d'Homo sapiens, avec la nature, ça a donné des gens plus sobres, plus sédentaires, c'est vrai, et qui ont réappris à se nourrir et à se distraire aussi, parce que c'est toujours autorisé de se distraire, dans une plus grande sobriété intégrée à la nature. Alors, il y a de la nature un peu partout, elle rentre dans les villes, il y a des jardins, encore beaucoup plus de jardins potagers collectifs pour tout ce qui est urbain. En milieu rural, entre guillemets, c'est évidemment encore plus développé. Il y a une nature très sauvage où des fous... où l'homme, en effet, est assez peu présent, et c'est ce qu'on appelle, oui, la grande nature sauvage. Il y a ces zones un peu lisières où l'homme va régulièrement, enfin l'homme, l'humain, pardon, et puis à proximité même des habitations, il y a cette nature qui nous nourrit, où chacun a réappris des savoir-faire dans plein de domaines différents, et nous voilà à nouveau au milieu de la nature, avec une biodiversité qui s'est vraiment... diversifié, décuplé, qui a repris un grand souffle depuis 10-15 ans. Ouais, tu parles d'apprendre, Jean-Philippe. On disait l'étincelle, c'est le changement de regard, c'est tomber amoureux. Mais l'apprentissage, ensuite, il est très nécessaire, et notamment des termes, du vocabulaire. On ne parle plus d'environnement, parce que cet environnement, il marquait la scission de l'espèce humaine avec le reste du vivant. Mais on a aussi dû apprendre tout un tas de choses, et c'est un apprentissage qui va nous prendre toute la vie, puisque aujourd'hui, on s'échine à connaître et à être capable de différencier plus d'espèces d'oiseaux ou d'arbres ou d'insectes que des logos de marques comme on était capable de le faire tristement il y a une dizaine d'années en arrière. Exactement. Alors c'est en effet il faut bien plus qu'une vie pour commencer à approcher la complexité de ce monde qu'on avait un peu oublié, et puis même de toute façon voilà, pour quiconque une vie ne suffirait pas. Et donc il y a l'inventaire, en effet, il y a la connaissance, la reconnaissance de ce qui nous entoure, mais il y a aussi, et ce qui est encore beaucoup plus complexe et utile, c'est la connaissance des fonctionnements et des interactions entre tout ça. Et c'est vrai que dès lors qu'on est confronté, par exemple, à utiliser un petit bout de terre pour se nourrir, et puis de le faire avec des espèces existantes ou déplacées, là, évidemment, on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, et que tel insecte peut avoir tel impact, tel... Donc, toutes ces interactions, le renard qui mange les poules, pour faire court, le papillon la chenille de papillon qui dévore nos légumes, tout ça, on s'en était déconnecté, on allait dans des rayons de magasins avant, et puis soit il y avait une pénurie, soit il n'y en avait pas, soit c'était bio, soit ça ne l'était pas, mais globalement, on se souciait assez peu de savoir, enfin, on se souciait de plus en plus de savoir comment c'était produit, mais il y avait quand même une énorme distance, et tant qu'on n'a pas mis les mains dans la terre, et ça a été la révélation depuis cette décennie qui vient de s'écouler, c'est l'expérience, encore une fois. Ouvrir les yeux, mettre les mains et les pieds dans la terre et réapprendre. Et puis alors là, le plus grand apprentissage, ça a été l'humilité. Et ça, l'espèce humaine en avait grandement besoin au début du 21e siècle. Ouais, et du coup, c'est peut-être un peu le changement d'ailleurs qu'a dû effectuer la revue Salamandre, hein, là où il y a 10 ans en arrière, vous travailliez à faire que cet émerveillement touche le plus grand nombre. Aujourd'hui, vous êtes peut-être plus dans un accompagnement pédagogique sur les nuances, les interdépendances, les découvertes à faire aussi d'ailleurs. J'aimerais bien t'entendre à ce sujet. Je pense que votre travail a évolué un peu du coup, hein. Alors, tout à fait, bien vu. c'est exactement les réflexions qui ont à un moment donné sont arrivées. On s'est dit, on va continuer, évidemment, ce qui nous paraît le préalable, c'est de s'émerveiller. Mais face à l'urgence, il fallait aussi donner assez vite des clés concrètes. Et puis, donc, dans notre façon de raconter des histoires, on a aussi raconté des histoires qui allait, entre guillemets, avoir, et en l'assumant complètement, qui allait avoir une application aussi dans la vie, parce que si on est redevenu des êtres vivants parmi les vivants, et qu'on voulait survivre, il fallait quand même aller vite, et puis apprendre des choses concrètes de notre interaction avec la biodiversité qui nous entoure. Et on est allé dans l'accompagnement avec ce qu'on appelle des conseils pratiques, et puis donc de jardinage, d'économie d'eau, de sobriété, d'utilisation, entre guillemets, et encore une fois en l'assumant, de nos voisins, de nos voisins vivants pour parce que entre eux, ils ont des interactions et ils les assument, les autres êtres vivants, de relations prédateurs-proies, de symbiose, de compétition, etc. Nous, il a fallu qu'on se réinsère dans ce tissu vivant et avec des interactions. Et tout ça, ça prend du temps et il a fallu en effet qu'on aborde ces questions-là. Et donc, la revue Salamandre, elle a été rejointe par plein d'autres médias, nature, parce qu'on s'est rendu compte que les journalistes, ils avaient ce rôle aussi pour recréer ces liens avec le vivant et que le vivant, il pouvait alimenter tout ce qui fait l'humanité avec même des sujets comme l'économie, l'industrie, là où le biomimétisme commençait à faire parler de lui il y a 10 ans en arrière. Maintenant, c'est devenu une évidence. La revue Salamandre, comment elle a continué à être... dans ce rôle précurseur, dans ce rôle d'avant-gardiste par rapport à cette relation avec le vivant? Alors oui, c'est sûr, en tout cas, la nature, c'est plus un volet ou un onglet ou un bonus dans les médias généralistes. C'est devenu vraiment intégré à tous les échelons. Et c'est l'essentiel des médias passent maintenant beaucoup de leur temps à faire connaître justement les 1000 expériences. Et quand je dis 1000, c'est vraiment les millions d'expériences qui finalement se revivent au quotidien et partout par les humains, par la société. Et du coup, il y a un énorme besoin, comme on est quasiment reparti à zéro, il y a un énorme besoin de partager. Et c'est là que, entre guillemets, le chemin technologique qu'avait fait l'humain est très utile, avec Internet et autres. On n'est pas revenu pour rassurer certains, on n'est pas revenu entre guillemets à la bougie, mais on connecte vraiment la grande avancée, les grandes avancées technologiques et puis les fondamentaux de la nature. Donc les médias passent leur temps à partager les expériences des uns et des autres pour nourrir tout le monde de ce grand recommencement qui a lieu. Donc c'est reportage sur reportage, ici telle ferme a fonctionné comme ça, ici la forêt a vu le retour de tels grands prédateurs et les humains qui vivent pas loin ont trouvé telle ou telle solution pour cohabiter, etc., etc. Donc c'est un foisonnement de témoignages, tous vertueux, plus vertueux les uns que les autres, et ça fait plaisir à voir. Et on sent qu'on est sur un chemin et que pendant les 2030 glorieuses, on se rend compte que peut-être que l'aboutissement, ça sera les 2130 glorieuses quand même, parce que on part de tellement loin qu'on reste encore une fois humble, mais ça foisonne de partout et les médias s'en sont emparés et c'est le buzz permanent. Et puis toutes ces découvertes aussi. En 2020, on s'émerveillait du fait que, en réalité, les arbres communiquaient entre eux, échangeaient des ressources, se protégeaient, se prévenaient des attaques. Quelles ont été les grandes découvertes qu'on a faites là, ces 10 dernières années? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en 2030? Et si on fait un peu de prospective dans la prospective, quelles sont les grandes découvertes qui nous attendent à horizon 2040-2050 sur le vivant, justement? Disons que il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une grande ouverture d'esprit qui s'est un peu développée chez chacun de nous. Et la frontière entre le scientifique pur et dur et puis, on va dire, l'émotionnel et le sensoriel, c'est réduite, et ça a été fondamental pour oser encore une fois faire l'expérience de choses qu'on n'imaginait pas, ou en tout cas qui étaient assez mal vues à une époque. C'est vraiment que, étant vivant parmi les vivants, on a des moyens de communication avec les autres vivants qu'on n'imaginait pas. Et en gros, l'homme était, avec son langage, était le seul à avoir une conscience était le seul à ceci, à cela. Bon, ça évoluait. On allait titiller les frontières de l'intelligence ou ce qu'on appelait l'intelligence chez d'autres espèces, comme les corvidés, les céphalopodes, ou même les raies, les requins, etc. Mais c'était un peu presque du folklore, ou en tout cas pour faire sourire. Et là, on se rend compte qu'en s'intégrant dans le vivant et en osant tout, et en reliant la science et le sensoriel, voilà, on s'est rendu compte que petit à petit, des champs dans la communication... La communication interespèce. Hein. En fait, on a réappris, parce que toutes les espèces entre elles, ou en tout cas, voilà, leur survie dépend vraiment de cette lecture qu'elles ont de ce qui les environne. Nous, on avait tellement arrêté ça qu'on savait, on savait rien lire, à peine la météo, et puis encore à l'aide de satellites. Mais là, chaque individu progresse énormément sur... sur les lectures, de se dire, bah, tiens, tel insecte est sorti, ça signifie ça, les arbres ont l'air de souffrir de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, et on a réappris à d'abord faire confiance à nos instincts, à se dire, tiens, j'ai l'impression que... Et ensuite, à le relier en plus à des avancées scientifiques énergétiques, physiologiques... qui progressait à grande vitesse parce qu'on avait arrêté de se censurer là-dessus et on avait bien compris que pour être vivant parmi les vivants, il fallait arrêter d'être froid et de se savoir au-dessus du reste avec juste une connaissance cartésienne et scientifique et oser, voilà, l'émotionnel, le sensoriel, le charnel. Et puis, alors je dis pas qu'on peut discuter avec un oiseau en 2031, mais par contre, on comprend beaucoup plus de choses en observant. Et ça nous aide dans notre quotidien, parce qu'on a beau être en 2030, il y a toujours des risques météorologiques, climatiques, épidémiologiques, des maladies. Les champignons, ce n'est pas tous nos amis, les bactéries, ce n'est pas toutes nos amis. Et donc, on a quand même, comme tout le monde, un objectif, c'est la survie individuelle et puis collective. Donc il y a eu de grandes avancées là-dessus, de self-défense par la compréhension de ce que les autres espèces nous disent. Toi, Jean-Philippe, tu fais quoi en 2030 glorieuse ? Eh ben, il se trouve que je suis un éternel passionné, et puis du coup, je fais à peu près la même chose, simplement. C'est-à-dire que je continue de me nourrir de ce que j'observe dans la nature, mais là, on est de plus en plus nombreux, donc je me sens moins... marginal, c'est-à-dire que même naturaliste, ça ne veut plus rien dire en 2030. Tout le monde l'est devenu à son niveau. Et du coup, c'est ce que je disais dans ce foisonnement d'expériences de droite, de gauche, le nombre d'histoires à raconter et de questions à se poser et de réponses à attendre, c'est décuplé. Donc, c'est encore plus passionnant. Merci pour le partage de ta vision des 2030 glorieuses. Je suis ravi d'avoir fait cet exercice avec toi. Ça donne vraiment envie. Là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je sais à quel point la route, elle peut paraître longue avant ces 2030 glorieuses qu'ils viennent de découvrir en temps réel avec nous. Et du coup, ma dernière question pour toi, Jean-Philippe, c'est qu'est-ce que tu suggérerais là à toutes ces personnes qui se sont prises à rêver de ce qu'on leur présentait pour justement qu'elles puissent avoir des leviers pour les faire advenir les plus rapidement possible ces 2030 glorieuses à nous. Bon, alors, il y aurait 1000 réponses possibles. Instinctivement, je dirais, alors ça concernera plus certaines personnes que d'autres, mais comme nos appareils ils nous disent combien de temps d'écran on a fait dans la journée ou dans la semaine, de regarder ce chiffre et puis de se dire, allez, j'en prends la moitié pour la semaine qui vient ou pour la journée qui vient, je diminue par deux et ce temps que je prends sur le temps d'écran, je le fais à peut-être juste m'asseoir, ou en tout cas aller dans un endroit de nature, très facile si on est à la campagne, et puis un peu plus difficile si on est à la ville, mais dès qu'on se sent à peu près bien, il suffit de quelques arbres ou de quelques dizaines de mètres carrés d'herbe, dans un premier temps, et puis de se dire, je fais rien d'autre que observer, ouvrir les yeux et les autres sens, et puis de regarder si je vois une histoire se raconter devant moi, toute simple. Quelque chose, un être vivant à six pattes ou pas, qui se balade, d'où vient-il, où va-t-il? Et voilà, commencer à faire ce petit exercice d'observation, de curiosité, et puis d'essayer de déceler une histoire toute simple, et de se rendre compte que finalement, il y en a des millions qui se déroulent en permanence autour de nous et on ne les voit plus. Merci Jean-Philippe. Merci à toi. Ça y est, cet épisode avec Jean-Philippe Paul vient de se terminer. C'était un épisode particulièrement important pour moi puisque, comme l'a dit Jean-Philippe à un moment, là, toutes ces crises qu'on est en train de vivre, elles nous font ressentir des secousses qui nous font bouger obligatoirement. Et moi, là, j'avoue que les branches auxquelles je me suis raccroché, en fait, ces derniers temps, pour réduire ma chute ou même la stopper complètement et me permettre de remonter, ou je sais pas encore, mais de remonter, c'est les branches du vivant en fait, et notamment des arbres. Donc en ce moment, je passe mon temps à lire, regarder, apprendre sur les arbres. Ça me fait un bien fou, et donc cette opportunité de mettre en avant le travail de Jean-Philippe et plus largement celui de la revue Salamandre et même de la maison d'édition, pour moi c'était hyper important parce que je l'espère, ça va vous donner envie de faire le même exercice si vous ne l'avez pas encore fait, c'est-à-dire de retomber amoureux du vivant, de se rendre compte de ces millions d'histoires qui sont tout autour de nous, comme nous l'a très justement dit Jean-Philippe, et en toute humilité, faire cette démarche d'apprentissage pour apprendre à reconnaître ses merveilles, apprendre à reconnaître ses complexités et ses fragilités, et donc apprendre aussi à beaucoup mieux vivre, servir, préserver, régénérer ce vivant dont on fait tout simplement partie. Encore merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Encore merci d'être chaque semaine plus nombreuses et plus nombreux à écouter le podcast 2030 Glorieuse et donc forcément à le recommander, à le faire connaître. Idéalement, si vous le pouvez, à le noter, le commenter. Et donc pour ça, c'est à chaque fois hyper précieux et je vous en remercie. Et je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !